I already know, but I will. Bonsoir l'Élysée Montmartre. On va commencer doucement, puis on va monter comme ça. Ça va venir, ça va venir. Fait chaud, hein. On va calmer un peu le jeu, puis après, on va remonter direct. Thank you. note hier soir sur ce morceau-là, l'ordinateur il a planté. Mais carrément quoi. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sans problème quoi. We'll be right back. je disais, il fait de plus en plus chaud en plus. Bon, ça va, ça se passe bien? Là, un petit truc un petit peu plus burné là. Crispy Bacon! Thank you. Alors là, Christophe, coupe le son. Philippe, attends, ça fait 6 mois qu'on tourne, c'est la première fois que l'ordinateur plante. On fait la musique électronique et ça c'est la vie. Donnez-moi 1 minute.